document 2, page 88. Là, nous sommes devant la cathédrale Saint-Pierre qui date du XIIIe siècle. Tiens, la tour de droite est plus petite que la tour de gauche. Oui, c'est exact. Nous arrivons maintenant à la faculté de médecine. Elle est aussi ancienne que la cathédrale. Et est-ce qu'elle est meilleure que la faculté de Paris? Ça, je ne sais pas, madame. En face, vous pouvez voir le Palais des Princes qui est devenu un musée. Il n'est pas aussi riche que le musée du Louvre, mais il est intéressant. Nous allons passer sur le pont des Dames avec ses deux statues de femmes à droite et à gauche. Et nous arrivons au château qui date du XVIIIe siècle. Oh, il est moins beau et moins grand que le château de Versailles. Il est moins grand, mais il n'est pas moins beau que le château de Versailles. Il est différent. Derrière, vous voyez un grand parc avec une fontaine magnifique. Et maintenant, on s'arrête pour visiter le château. Bonne idée !